Première partie, chapitre 21, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégory Kinlen. Introduction à la vie dévote, par saint François de Sales. Première partie, chapitre 21, conclusion de tout ce qui a été dit du premier degré de la pureté d'âme. Après avoir fait cette protestation, écoutez en esprit et avec toute l'attention de votre cœur la sentence que Jésus-Christ prononcera dans le ciel, sur le trône de sa miséricorde, en présence des anges et des saints, en même temps que sur la terre le prêtre vous donnera l'absolution de vos péchés. C'est alors que ce que Jésus-Christ nous a dit s'accomplira pour vous dans le ciel, car on s'y réjouira de voir votre cœur rétabli en l'amour de Dieu et rentré dans la société des anges et des saints, qui s'uniront à votre âme en esprit d'amour et de paix, et qui chanteront à la présence de Dieu le saint cantique de l'allégresse spirituelle. Ô Dieu, Philothée, l'admirable et le retraité que celui-là, par lequel vous vous donnez à Dieu, et il se donne à vous en vous rendant à vous-même pour vivre éternellement. Il ne vous reste donc plus rien à faire qu'à prendre votre plume pour signer l'acte de votre protestation. Puis, allez-vous-en à l'autel où Jésus-Christ ratifiera l'absolution de son ministre et confirmera la promesse qu'il vous a faite de vous donner son paradis en se mettant lui-même par son sacrement comme un sceau sacré sur votre cœur, ainsi renouvelé en son amour. Voilà donc votre âme à ce premier degré de pureté, lequel consiste dans l'exemption du péché mortel et de toutes les mauvaises affections qui peuvent vous y porter. Cependant, comme ces affections renaissent souvent et facilement en nous, soit par la raison de notre infirmité, soit à cause de notre concupiscence, que nous pouvons bien modérer et régler, et que nous ne pouvons jamais éteindre, il est nécessaire que je vous précautionne contre ce danger et contre ce malheur, par les avis qui me semblent les plus salutaires. Mais parce que ces mêmes avis peuvent vous conduire à un second degré de la pureté d'âme, beaucoup plus excellent que le premier, il faut qu'avant de vous les donner, je vous parle de cette pureté d'âme plus parfaite, à laquelle je désire vous conduire. Fin du chapitre 21, première partie.